Bonjour frères et sœurs, et nous sommes ce matin encore une fois ensemble pour se courber devant notre Dieu, s'asseoir à ses pieds afin qu'il nous instruise, afin qu'il se glorifie à nos propres yeux, afin qu'il exalte son Fils à nos yeux. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on arrive et qu'on se tourne vers les Écritures pour être instruit dans la personne de Dieu et la personne de Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Donc, c'est notre désir ce matin. Nous allons étudier encore le chapitre 12 et nous allons continuer à regarder Jésus annonce sa mort. Nous allons commencer par la prière. Notre Père du ciel, nous te bénissons. Quand ton Fils, nous avons la vie, et en ayant cette vie, nous pouvons être en relation avec toi pour t'adorer et te servir, parce que tu veux des adorateurs en esprit et en vérité. Nous voulons, Seigneur, que ce matin, que tu nous parles de ton Fils Jésus. Et nous voulons, notre bien-aimé Sauveur Jésus, que tu nous présentes le Père, jusqu'au moment où on va pouvoir dire avec toi, celui qui a vu le Fils a vu le Père. Donc, par ton esprit, montre-nous que la mort qui nous fait si peur n'était pas quelque chose qui te faisait peur, parce que tu étais venu pour la vaincre, pour la détruire. Donc, Seigneur, dirige-nous, et qu'on puisse, à la fin de ce petit temps ensemble, être fortifié. Amen. Donc, si vous me permettez de résumer encore ce matin, nous sommes au chapitre 11, on a vu que Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Il a ressuscité Lazare pour le démontrer. Maintenant, il va... Au chapitre 12, nous avons vu qu'il restait seulement que 6 jours avant, et il va nous expliquer pourquoi il a accepté la mort, pourquoi il est allé vers la mort, pourquoi il s'est laissé faire pour qu'on le mette à la mort. Il y avait une raison bien précise là-dedans. Et Jésus et Dieu vont nous expliquer ce matin quelle est la raison fondamentale pourquoi Jésus est venu sur cette terre. Et nous allons assister à une courte conversation entre la terre et le ciel, entre Jésus et Dieu. Pour ce faire, lisons ensemble le chapitre 11, verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vient du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu? Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Que celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez à la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit chez les choses, Puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Jésus est devant la foule et il semble dire ça à haute voix. « Maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je? » Alors, il y a un peu l'expression qu'il était troublé jusqu'à la mort. « Que dirais-je? » Mais ici, on présente Jésus sur une autre facette. Dans les autres évangiles, Jésus sut du sang. Jésus veut éviter la mort. Jésus a besoin d'un ange pour être glorifié, mais pas ici. Pas ici, parce qu'on le présente comme étant le Christ, le Fils de Dieu. Et il dit, « Est-ce que je vais te demander de me délivrer de cette mort? » Mais non, mais non. C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. C'est pour ça que je suis là. Je ne vais pas te demander maintenant de l'éviter. Voyez-vous, il dit, « Avant que je vienne ici-bas, j'avais déjà planifié, organisé, j'avais déterminé les où et les comment de ma mort. Je suis venu afin de mourir. Est-ce que j'aurais quitté le ciel pour rien? Si je m'en retourne sans mourir, j'ai fait ça pour rien, 33 ans ici-bas, pour rien. » Et là, il dit, là, il me semble qu'on entend presque bien des mondes du monde dire, « Ah, le Seigneur, va-t'en pas, parce que si tu t'en vas, on ne sera pas sauvé. » Jésus n'a pas dit non plus, « Ah, Père, je vais y aller. Tu sais, si je ne vais pas, pauvre François, pauvre Luc, pauvre Pierre, pauvre Jean. Ah, qu'est-ce qui va arriver d'eux autres? » Mais non, mais non, mais non, mais non. Il dit, Père, glorifie ton nom. Amène-moi jusqu'à la mort. Fais que je meure. Fais que ton plan aboutisse et s'accomplisse. Afin que tu sois glorifié. Et une voix se fait entendre du ciel. Je l'ai toujours glorifié mon nom, et je vais encore le glorifier, et je vais encore le glorifier, et pour toujours, parce que c'est ça mon but, c'est ça mon plan, c'est ça mon désir. C'est le désir du Père pour le Fils, et c'est le désir du Fils pour le Père, glorifier l'un l'autre. Si je ne meurs point, François et toutes les autres ne pourront pas être sauvés pour te glorifier et te servir. Donc, vu que je veux te glorifier, j'accepte la mort, je vais vers la mort, je vais accomplir le plan qu'on a fait ensemble. Et là, les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Il semble qu'il y a eu un coup de tonnerre. Donc, un coup de tonnerre, pour moi, ça peut être un coup fort. Puis ça pourrait être aussi, si des fois on entend rouler le tonnerre, c'est peut-être pas le meilleur tonnerre que j'avais entendu, mais en tout cas, j'ai essayé de faire de mon mieux. Jésus dit, non, non, c'est pas pour moi que cette voix-là se fait entendre. Mais c'est pour vous, afin que vous croyiez que j'étais envoyé du Père, pour que vous compreniez que ce que je vais accomplir par ma mort, c'est voulu du Père, c'est voulu par moi. Et là, il explique qu'est-ce que sa mort va accomplir. Il dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Maintenant, le monde est jugé, le prince de ce monde est jugé et condamné. Le monde ici, c'est pas la croûte terrestre, c'est pas les roches, c'est pas les arbres. Le monde ici, c'est les êtres humains. Les êtres humains sont condamnés et jugés. Le prince de ce monde et tous les démons de la terre sont jugés et condamnés par cette mort. Par cette mort, Jésus va vaincre la mort. Il va être jeté dehors. Personnellement, jeté dehors de quoi? De la présence de Dieu. Du monde, ce que Dieu va établir. Les nouvelles cieux, les nouvelles terres. Il n'y aurait plus de présence là, du prince de ce monde. On sait qu'à la fin, le prince de ce monde va être lié, attaché, et il va être jeté dans le feu éternel pour ne plus jamais sortir. Et là, Jésus, au verset 32, annonce quel genre de mort il va subir. Il dit, quand je serai élevé de la terre. Ici, tout le monde comprend hein, de quoi il parle. Il parle de sa mort, parce qu'ils vont dire, on va voir jusqu'au verset 34, il dit, le Christ ne doit pas mourir. Donc, ils savent que Jésus vient de dire qu'il va mourir. Et on va voir plus loin que par le fait d'être élevé, ça, il parlait de sa mort à la croix. Jésus, avant que Pilate décrète qu'il va être crucifié, avant que les Juifs crient, crucifie-le, crucifie-le, Jésus savait comment il mourrait. Il l'avait planifié, organisé. On va voir encore plus loin tout à l'heure tout ce qu'il est en train de faire pour arriver à ce 3 heures du vendredi saint. Mais remarquez bien le verset 34. Des fois, on manque ici de voir qu'est-ce qui se passe. Verset 35. Non, excusez. Verset 34. La foule dit, nous avons appris que le Christ demeure éternellement. Comment dis-tu que le Fils de l'homme doit mourir? C'est qui ce Fils de l'homme-là? Parce que le Fils de l'homme, c'est un titre messianique. C'est un titre de celui qui vit auprès de Dieu, du Fils de Dieu. Il dit, la mauvaise compréhension de l'Ancien Testament, ce qu'il avait appris dans l'Ancien Testament, qu'il avait mal interprété, lui a fait manquer le bateau. Ils n'en veulent pas d'un Messie mourant. Et je vous dirais que le monde dans lequel nous vivons n'en veut pas d'un Messie mourant. N'en veut pas d'un Messie faible. N'en veut pas d'un Messie qui lave les pieds. Nous allons voir ça avec Pierre un peu plus loin. Ils n'en veulent pas d'un Messie qui se laisse fouetter et flageller. Oh, j'étais tellement triste quand j'ai vu le film de la Passion de Mel Gibson. Comment ils ont fait souffrir Jésus sans jamais dire pourquoi il souffrait. Les gens qui parlaient, enfin, oh, il a peut-être pas souffert autant, il a souffert pour rien, pauvre lui, pauvre victime. Oh, qu'on est méchant, les hommes l'auraient fait souffrir de même. Il manque le bateau. Ils veulent pas. C'est pour ça que Pierre va dire, à Dieu ne plaise, tu ne mourras point. L'être humain n'en veut pas d'un Messie souffrant. Il voudra avoir un Messie conquérant, qui va venir, qui va battre leur ennemi, qui va leur donner la vie, qui va leur donner la prospérité, qui va les délivrer de leur ennemi. Et permettez-moi de dire, des fois, quand on s'écoute, et quand j'écoute les prières, que c'est quasiment ça que des fois les gens veulent. Ils veulent un Messie ou un Sauveur qui va leur rendre la vie facile. Jésus dit, non, je viens pour mourir. Sans la mort, il n'y aura pas de jugement pour le monde. Il n'y aura pas de jugement pour le prince de ce monde. Il n'y aura pas un peuple racheté. Il n'y aura pas un peuple pour servir et glorifier mon Père. Moi, j'accepte la mort. Vous autres, vous n'acceptez pas un Christ mourant. Et là, il leur dit au verset 35 et 36, croyez en moi, croyez en moi. Si vous croyez en moi, vous allez devenir des enfants de lumière. Car moi, je suis la lumière et je suis avec vous autres encore pour 4 jours. Croyez en moi, pendant qu'il fait clair. Et vous allez devenir des enfants de lumière. Et à votre retour, moi, quand je vais être parti, vous allez devenir la lumière pour le monde. Parce que la lumière, nous, on n'est pas la lumière, mais parce que la lumière vit en nous. Les gens vont voir la lumière à travers nous, à travers l'Église. Il n'y a jamais eu autant de lumière sur la terre qu'au temps où Jésus était là. La lumière était là. Et Jésus a dit lui-même dans Jean 3, « Ils ne viennent pas à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. » Et Jésus s'en va se cacher loin d'eux parce que son heure n'est pas encore arrivée. Il n'est pas encore vendredi, donc il ne veut pas mourir tout de suite. Il y a d'autres choses à dire à ses disciples. Notre Père du ciel, merci d'avoir fait de nous des enfants de lumière. Quel grand privilège que maintenant que nous croyons, la lumière habite en nous et nous sommes maintenant, nous aussi, de la lumière. Seigneur, nous te demandons encore une fois comme un privilège, utilise-nous, que notre lumière brille autour de nous aujourd'hui, avec nos femmes, nos enfants, nos amis, nos voisins, qui ne connaissent pas la lumière, qu'ils puissent voir et se convertir eux autres aussi. Qu'on puisse les conduire à la lumière. Seigneur, glorifie-toi en nous et glorifie-toi par nous. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.